Page 63. Activité 6. Piste 55. Je dessine la terre. Elle est verte? Très verte. Je dessine ma rivière. Elle est bleue? Comme la mer.